glacée de la trêve d'une pluie d'escorte que tu naquis, tandis qu'une tourmente de mots me traverse. Belle d'appartenir à l'autre qu'un somptueux silence préserve, et cependant, telle une urgence souterraine, ta limpidité n'appartient qu'aux forces de l'insondable. Femme de longtemps amie, c'est de la trêve d'une pluie d'escorte que tu naquis, tandis qu'une tourmente de mots me traverse. À l'horloge des égarés, quelle heure est-il? Il n'est que l'écriture pour te chanter. Femme de longtemps amie, c'est de la trêve d'une pluie d'escorte que tu naquis, belle d'appartenir à l'autre qu'un somptueux silence préserve. Et cependant, ma femme de longtemps, telle une urgence souterraine, ta limpidité n'appartient qu'aux forces de l'insondable. Je me purifie dans le vertige de ta vie. À l'horloge des égarés, quelle heure est-il? Il n'est que l'écriture pour te chanter. Je ne vis pas de l'air du temps, je tente de vivre du poème. Chanter est le plus bel acte liquide qui soit. Car dans la transparence des paroles, les mots sont terre glaise qu'amour solidifie. Je ne vis pas de l'air du temps, je tente de vivre du poème. À chacun de pétrir sa terre.